Messieurs, mesdames, bonne partie. Merci. Ouais. La Caradoc. Ah. Je suis vraiment mauvaise joueuse. Bien. Non, mais c'est bien. En exploration. Allô. Sonore. Tu t'entends? Non. Ah si. La Caradoc. À Serre. Et au grand jeu. Vous avez quoi? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça y est. Ça a commencé. Doucement, j'ouvre les yeux, je me lève, je marche à petits pas et j'ouvre sans bruit la porte de la Caradoc. Je reste perché sur mon palier, personne à l'horizon. Dehors, c'est le Far West. J'hésite un peu, ça fait envie et ça fait un peu peur. Je descends de la caravane. Je tourne sur moi. Derrière, on dirait une carte au trésor. Je m'approche. Ce n'est qu'un plan. Bienvenue à Serre. Il y a des sentiers qui forment des passages secrets et un peu partout, des hameaux qui finissent en cul-de-sac. La partie de cache-cache ne va pas être facile. Allez, je craque, j'ouvre la bouche et je crie. Attention les filles, j'arrive! Je regarde. Un peu plus loin, j'entends du bruit. Chut. Je regarde. Ça scintille en l'air. Bonjour. Et par terre, il y a plein de gens. Ils ont l'air d'être 10, 20, 10 000. Ça sent un peu pastis. Mais c'est une after d'une rêve partie. Ah, ça, c'est l'arbitre, c'est mon épine dans le pied, ça. Oui, je suis arbitre. Guillaume. D'accord. Et du coup, c'est quoi l'événement? Ben, on joue la Coupe Charente et faut sans élimination. Regarde la dame quand tu parles. 0-3, 6-5-54. Et on joue club contre club. Et les derniers qui emmènent la victoire ont gagné. On va faire un tête-à-tête, une doublette et une triplette. Qu'est-ce que c'est? Alors un tête-à-tête, une personne contre une personne, une doublette, deux personnes contre deux personnes, et en triplette, c'est 3 contre 3. Et vous êtes combien par club? Ça dépend. Là, pour faire ça, il faut être 5 garçons, six minimum, une fille, six et 6 minimum. Fille, une fille. Bon, alors, attends, où il est? Seb, donne-moi ta licence, ma pomme. Et là, on rencontre, et là, on rencontre le pire des clubs. Tu joues pas. Ta pomme là. Non, dis pas que t'as pas de licence. Si. Ah bon? Mais avec toi, on s'inquiète. Vous êtes gentil, vous ne faites pas de crise cardiaque dès le matin. Ça augure. Et quand est-ce que vous intervenez, vous? Ben, quand ils m'appellent ou quand ils font quelque chose de grave. Par exemple? Ben, s'ils sortent du rond, par exemple, avant que la boule ait touché par terre, s'ils mettent trop longtemps à jouer, si... plein de trucs comme ça, ou s'ils disent quelque chose à un adversaire qu'ils ne devraient pas dire. Ça vous est arrivé dans des compétitions d'avoir des mauvaises ambiances? Oui, ça arrive. J'ai vu ça au Boulodrome il y a 3 ans, pour un point, ça s'est battu, donc c'est affreux. Et comment vous pouvez intervenir dans ces cas-là? Ben, on intervient, il faut essayer de les séparer le maximum possible sans éviter de prendre des coups. Et puis en plus, après, ben, on a des rapports à faire pour essayer de leur faire sauter leur licence, quoi. Après, ça peut aller très loin. Comment ça se fait? Pourquoi ça prend cette place dans la vie des gens? Moi, je joue à la pétanque depuis des années, et c'est un sport que j'arrêterai jamais, quoi. C'est un sport que j'adore. Et... Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien, mais la tranquillité, puis voir des gens. Est-ce que vous pourriez me raconter ce qu'il y a dans votre mallette? Alors, j'ai un mètre, j'ai 2 mètres, un 3 mètres, un 5 mètres, j'ai un décamètre, j'ai un compas, j'ai une tirette, j'ai un sifflet, j'ai un chrono et les cartons. La tirette, c'est quoi? Pour mesurer des points quand ils sont vraiment trop petits, le compas, c'est pareil. Mais c'est pas le mètre, ça? Non, c'est complètement différent. Un compas, c'est pour... parce que des fois, même la tirette passe pas, donc on est obligé de prendre le compas. Non. Hein. Oh ouais, vas-y, je préfère moi. Non, mais si tu joues avec ta boule... Verre de pastis à la main, elle discute à moitié sur la piste. Je crie « Trouvez !» Elle s'en fiche, elle continue à bavarder. Nausicaa est lancée style reporter sportif, plus rien ne peut l'arrêter. Elle s'avance vers deux joueurs et elle leur demande. Et vous représentez quel club ? Nous, on représente le club de Tapalin. Et ce matin, vous vous êtes levé tôt ? Ce matin, oui. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi, j'étais nuit, donc je suis rentré chez moi, il était à peu près 6h. Et j'ai décollé à 7h, 7h15. Vous êtes de nuit ? Vous travaillez de nuit ? Bah, cette semaine, j'étais de nuit, ouais, parce que je suis allé trop vite, donc j'ai pas dormi. Quoi. Vous êtes dormi, quoi ? Pardon ? Je suis allé trop vite, donc j'ai pas dormi. Ah oui. D'accord. Je me suis posé 20 minutes dans le canapé avant de venir. Vous faites quoi comme travail ? Ouais, je fais un peu tout, je travaille chez Legrand, l'appareil électrique. Donc. Pourquoi vous jouez tôt le matin comme ça ? Je disais, c'est pas une bonne idée. Je me demande. C'est pas une bonne idée. Parce que là, vous avez le soleil en face. Mais bien sûr. Surtout là, à ce moment, il est bas là-bas. En plein été, il est là. Mais là, il est bas. Vous jouez sur la doublette ? Oui. On fait les doublettes, là, oui. Vous êtes dans la même équipe, du coup ? Je sais pas. Vous êtes dans la même équipe ? Ah ben, je sais pas, non. En principe, on joue ensemble, mais... En principe, oui, on joue toujours ensemble. Je sais pas. Vous jouez toujours ensemble ? Enfin, souvent. En principe, les doublettes. Hein. Souvent. Comment ça se fait ? Je sais pas. Parce qu'on s'apprécie. Bon, Marco, tu gardes mes boules ? Vous êtes amis, par ailleurs, en dehors de la pétanque ? Ah oui. On boit un coup, t'as 20 ans. On boit, on va à la chasse. Ah ben, il parle bien. De temps en temps, souvent, je trouve. Non. Pour la chasse ? Ouais, pour la chasse, oui. La chasse à quoi ? La chasse tous les mardis, tous les vendredis. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Et la pétanque ? Oh ben, les dimanches, tous les mardis après-midi. T'as après-midi tous les mois, toi ? Non. Toujours pas ça ? Non, j'ai pas voulu. Ouais. Ce matin, ça me suffira. Ouais, moi aussi. Et j'ai des haricots verts à ramasser cet après-midi, moi, alors... Ouais. Vous habitez dans le même village ? Ah non. Lui, il est Tapona, moi, je suis d'Ivrac. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes dans le club ? Ah oui. Oh oui, il y a un moment où j'y suis, moi, dans le club. C'est toujours convivial comme ça ? Ah oh, oui. Ben, on s'entraîne tous les mardis, nous. Enfin, les vétérans. Les vétérans. On est toujours 16, 18. Ah oui, ouais. Quand même. Ah ouais. Et il y a beaucoup de jeunes qui jouent ? Oh, il y a quelques jeunes qui viennent avec nous. Oui. Une majorité de vétérans quand même. Ah bah quand même. Hein ? Ils n'ont pas digéré, mais dis donc, c'est un problème. Hein. Et c'est quoi le moment que vous préférez à la pétanque ? Le soir, la buvette. La troisième mi-temps. J'ai pas pu gérer. Christian. Ouais. Pas trop, parce que comme on conduit, après alors... Ah bah oui. Terrain 2. C'est dur. Attends, on sait pas avec qui on joue. Laurence. Sébastien. Dis-nous, Seb. Seb. Seb, tu joues. Seb, terrain 2. Contre Anne et Fredo. Alors ça, c'était il y a quelques jours, terrain 4. Sur ce terrain de pétanque qui est juste là, juste derrière. Il faisait chaud, il faisait sec. Donc le terrain qui est juste derrière notre caravane. Et cette caravane, il y en a peut-être avec qui on ne s'est pas encore présenté, c'est la Caradoc, la caravane documentaire des étudiants du CREADOC. Ça fait 3 semaines qu'elle est là, tantôt studio mobile, tantôt petit cocon d'écoute, centre aéré, casino, et aussi rendez-vous pour l'apéro parfois. Et donc on a pris nos marques depuis 3 semaines à Serres et au Grand Jeu. On s'est donné un temps long, enfin on croyait que ça allait être long, 3 semaines, et ça l'est pas tant, pour infiltrer le village, devenir un peu un lieu éphémère certes, mais reconnu par les gens qui passent par là. Et on s'est aussi donné un thème, le jeu, comme interstice du quotidien pour se rencontrer, comme occasion de parler de travail aussi, de parler de règles, de parler de la transgression de ces règles. Et aussi le jeu pour faire émerger la fiction dans le documentaire, c'est un peu le but qu'on s'est donné aujourd'hui avec notre petite histoire de cache-cache qu'on va filer tout du long de la soirée. On s'est glissé pendant 3 semaines là où il y avait un peu de jeu, là où il y avait un peu de place dans le quotidien de chacun, chacune et dans le village. Donc voilà, on va vous proposer d'écouter quelques histoires, c'est surtout celle de nos rencontres. Et on va aussi vous proposer de venir discuter avec nous. Il y a deux micros là. Faut qu'on se tienne chaud, hein. c'est un peu dur avec la pluie. Donc venez vous rapprocher, venez parler. J'espère que vous entendez bien. On a eu une enceinte qui s'est envolée, qui a décidé de vivre sa propre vie. Et donc il en reste plus qu'une. Et voilà, est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que vous comprenez ce qui se dit? Bon, bah alors, dans ce cas-là, on va pouvoir continuer. Là, la Cara! La Cara Doc! En exploration sonore! On quitte le terrain pour le centre-bourg. Entre nous, ça se voit, Nausicaa et les boules. Pas le temps pour la troisième mi-temps. On a Joanne et Anna à retrouver. On passe devant une boulangerie. Une boucherie. Il fait beau à Serres, le panneau indique 27. Là-bas, c'est la mairie. Et à côté, une petite boîte jaune. On passe la porte. Et derrière le comptoir, il y a Michel. Le matin, je me lève. J'ouvre... Première chose, j'ouvre tout et je vais sur ma terrasse et sur dehors. Mais même là, avec mes fenêtres ouvertes, j'ai les oiseaux, j'ai tout. C'est vraiment trop agréable. Ah ben, j'ai une lettre commandée. Ouais. Pour la... tu as un timbre avec accusé de réception. D'accord. Essaie de trouver DHL, toi. DHL, oui, c'est oui. Un truc de transport. Ouais, de transport. Moi, je suis née à Serres. Ma maman était institutrice à Serres. Je suis partie, j'avais un an, et je suis revenue en 75. Donc, ça fait un petit bout de temps quand même. Et puis, bah, depuis, on est là. Ma fille est revenue habiter là, donc tout le monde est là. Transport, ça, on s'en fout. Transport express, alors. En 75, il y avait le bureau de poste, évidemment. Il y avait des commerces, qu'il n'y a plus, bien sûr. Il y avait une boucherie, il y avait deux boulangeries quand moi je suis arrivée. Il y avait un bar, deux bars, trois bars. Il y avait deux stations-service quand je suis arrivée. Ouais, c'est rigolo. Là, ça rebouge un peu. Bon, le boucher a rouvert, la boulangerie est ouverte, ça va. Mais bon, il manque la presse, le tabac, quoi. Et un bar, forcément. Le bar, c'est quand même l'endroit de rencontre des gens, hein. Vous y alliez, vous? Ouais, tous les matins, j'allais boire mon café. Quand ma fille était à l'école, quand après, avec les mamans, ça faisait des bandes de copines. Quoi. Donc, on se réunissait là-bas, on allait boire notre café, c'était sympa. Ça faisait un endroit où se rencontrer, parce que les gens... Ici, c'est beaucoup de gens qui travaillent sur Angoulême. Donc, à part là, ils n'ont pas tellement d'occasion de se rencontrer, en fait. Hein. Alors, est-ce que j'ai passé le monument là? Non. Attends, j'ai 45. C'est une agence postale. Donc, c'est pas du personnel de la poste. Mais avant, c'était un bureau de poste à Serres, carrément. Donc, ils en ont supprimé partout, la poste, hein, des bureaux. Mais la mairie et bon, toute la commune a voulu garder quelque chose. Il y avait une pétition avec des banderoles, non à la fermeture du bureau de poste. Enfin bon, voilà, tout le monde a joué le jeu pour garder quelque chose, quoi. Voilà. Mais ouais, ça fait. C'était marrant. Quoi. Mais n'empêche que ça a payé, puisqu'on est toujours là. Ah, qui c'est qui me donne la lettre aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. C'est là la poste, ma chérie. Oui, toi, tu vas payer, chérie. À chaque fois, il faut essayer de rendre service aux gens. Après, je fais des choses ici qui ne seraient peut-être pas tolérées ailleurs. Je connais tout le monde, donc j'ai aucun problème pour donner les recommandés. Voilà. Ça, théoriquement, c'est hyper contrôlé. Hein. Quand je ne serai plus là, ils feront avec. C'est tout. Oh, t'as de la chance, hein. Allez. Ah ouais, ah ben voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Moi, je suis bien, là. La poste, ça me permet de faire voilà, beaucoup de connaissances, beaucoup de rencontres, des gens que j'aurais peut-être pas fréquenté autrement. Au revoir, les filles. Au revoir. Quelquefois, je trouve le temps long, donc je mon petit mot croisé, de la lecture. Bon, voilà. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Ah, mon temps libre, voilà. Alors, je bosse chez moi. J'ai un très grand terrain, une très grande maison. Donc, il faut que je fasse tout, quasiment tout. Et c'est un peu galère. Je reconnais que chez moi, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Voilà, c'est pour ça que je suis bien là. Je rêve de vacances. Je rêve de pause, là, pour moi. C'est... ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pendant votre pause ? Ah là, je voudrais partir une semaine toute seule, au bord de la mer, parce que j'adore. Et me balader, voilà. Mais toute seule, sans avoir à faire manger. Voilà. Me poser pour moi. Je ferais bien une petite thalasso, ça ferait pas de mal. Ça, ce serait cool, voilà. On sort de l'agence postale. On était avec Marie et j'ai pas. Avec Michel, pardon. Et là, on est avec Marie. J'ai pas voulu venir vous chercher avant parce que je me disais que je vous voyais écouter attentivement. Mais je peux vous proposer de venir vous asseoir avec nous. Je peux peut-être vous proposer de prendre le micro là-bas. Tenez. Et j'espère que ça va pas faire, ça va aller. Oui, il suffit de parler dedans. Et Raphaël, c'est qui qu'on entendait ? Bonjour. C'est ta grand-mère, non ? Oui. Et Marie, du coup, c'est votre mère qu'on entendait ? Oui. Et elle racontait, à l'occasion de cette interview, qu'elle déposait sa fille à l'école et qu'elle allait boire un café. Donc vous êtes cette petite fille qui a grandi à Serres. C'est ça, à Serres, depuis ma naissance. Je suis partie après sur Angoulême pour mes études et puis mon début de vie et d'adulte. Je suis revenue à Serres il y a 4 ans. On a acheté à Serres et voilà, retour aux sources. Et pourquoi être revenue du coup ? Parce que Serres, c'est un village très agréable à vivre. On est à côté d'Angoulême, on y est en un quart d'heure, c'est quand même confort. Pour les enfants, c'est quand même très agréable. L'école est très bien. Voilà, le village est agréable, même si il manque des petites choses, mais c'est agréable à vivre. Et on n'est pas loin d'Angoulême, sans les inconvénients d'Angoulême. Et Raphaël, est-ce que tu te souviens de ce micro ? On avait déjà essayé de faire des trucs ensemble avec. Oui. Est-ce que tu veux parler avec moi dans le micro ? Non. Pas trop, non. J'ai l'impression. Et du coup, vous avez... je m'y attendais un petit peu, hein, c'est pour ça que je demande la permission. Et du coup, d'être revenu à Serres, vous êtes parti un petit temps, vous avez vu les choses changer, l'époque que votre mère raconte, vous vous en souvenez ? Je me rappelle pas de tout, parce qu'il y a... Enfin, les deux boulangeries, oui, je m'en souviens, la boucherie aussi, les stations-service, non, je les ai pas connues. Ou une, mais enfin, je sais pas, c'est un souvenir ou c'est ce qu'on m'a raconté, je sais pas si c'est... puis c'était plus actif. Il y avait l'épicerie, il y avait... alors, c'est un village, donc il y avait 3 bars. C'était plus actif. Là, il manque, comme elle le dit dans la rencontre, il manque la presse, le tabac, le bar qui amenait du monde. Du coup, on se retrouve avec zéro bar. Et comme elle le dit, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de... Donc ça manque. Ils ont fait beaucoup de choses après pour la commune quand même. Il y a plein de belles choses, de bonnes choses. Il y a plus d'activités, il y a moins d'associations, mais il y a quand même des choses qui sont organisées, des bric-à-brac, des choses comme ça. Et je retrouve ce côté-là. Mais c'est moins vivant que ça l'était. Après, c'est vraiment une question, mais si les lieux de rencontre ferment, peut-être que les rencontres, elles s'organisent autrement, ailleurs ? Oui, mais... pas forcément dans, enfin, en ville, oui, ou mais dans un village, il y a quand même des points, mais partout, il y a quand même des points de rencontre. Là, c'est typique d'un village, le bar, c'est le point de rencontre typique. Et on vous a pas demandé, du coup, on sait plein de choses sur votre mère, mais on vous a pas demandé ce que vous faites vous. Moi, je suis infirmière au centre hospitalier Camille Claudel, en psychiatrie. Et je travaille sur l'hôpital de jour boulevard de la République. Boulevard de la République, et voilà. Et Raphaël est en dans quelle classe? En la grande section. Oui. À l'école de? De Serre. Elle est juste là, ton école? Oui. Et t'étais venu jouer un petit peu avec nous pour le goûter la semaine dernière? Oui. J'ai plein d'enregistrements de toi. Qui dit oui. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, c'est... Allô? C'est la Caradoc. La Caradoc en exploration sonore. Yams, d'un coup. Oh là là. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Il est déjà midi. L'air chaud pèse sur le village. Tout est bien silencieux. C'est l'heure de la sieste à Serre. Vers la gauche, il y a le bar. On pousse la porte. Impossible d'ouvrir. Ça sent la poussière. Le lieu a l'air abandonné. C'est là que travaillait Colette. Voilà. Et j'aimais danser. Et nous allions au bal pas loin. Et papa nous disait, parce que les bals commençaient à 9h, alors on y allait vers 9h, 21h, 21h30, mais à 2h, il fallait être rentré. C'était Serre, il y avait une grande salle de bal où il y a des... en face de la boulangerie. Et on y allait, on avait 20 ans, 22 ans. On allait danser pour s'amuser, pour danser. Et on dansait, je vous dis qu'on dansait, hein, on faisait pas tapis. Hein. Oh là là! Eh bien, c'était des valses, c'était des tangos, c'était de la java, c'était les passodobles, c'était le cha-cha. Je me suis arrêtée là, moi. Ah, j'avais dansé le swing, enfin, parce que j'étais assez intrépide. Et tu n'as pas de mari? Ah non, non, ni mari, ni d'amant. Non, mon tempérament ne me permettait pas, j'étais trop occupée. Non, je ne suis jamais sortie. Oh, c'était tous des clients. Moi, n'étant pas sentimentale, je ne me suis jamais arrêtée à quelqu'un. Les gens venaient, je leur disais, « Ah, oh, encore toi? Laisse-moi danser avec Guy ou laisse-moi danser avec Claude. Pas toujours toi. » Vous voyez, moi, c'était pour la danse. Pourtant, il y en a qui auraient voulu, hein, parce que j'étais mignonnette. C'était ma vie, je me suis mariée avec mon père et mes bouteilles. C'est extraordinaire, hein? Je suis née à Serre. Maman avait déjà le bar, épicerie. Et j'ai pris le bar en... Je ne sais plus en quelle année. J'avais été faire une saison à Vichy avant. Je l'ai laissé à 66 ans. Mais beaucoup de travail, mais du travail en grillant. Ah ! C'était merveilleux. Les gens venaient pour rire. J'avais justement Michel, là, un pain sans rire, mais moi, il me faisait rire, on m'entendait rire. C'était tout grand ouvert chez moi, chez la boulangerie, il m'entendait rire. Il dit, allez, on va chez Colette, on va rire. La musique à fond, c'était à ce moment-là de l'accordéon. Hein? C'était fabuleux. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai ramené mes casiers de bière comme ça, mes bouteilles de gaz suivantes, je faisais 40 kilos à ce moment-là. Là, j'en ai pris un peu. Des vacances, je ne connais pas. J'étais en vacances toute l'année, moi, à rire comme je faisais. Puis alors après, il fallait nettoyer le tabac, il fallait faire la commande, les jeux, il fallait... Autrefois, on n'avait pas les tickets, il fallait compter les tickets 10 par 10, les mettre dans des élastiques, tout ça. On faisait ça le dimanche après-midi. Mais ça posait pas de problème, on était contents. Ah oui, ben je faisais les journaux en plus. Tabac, journaux, jeux. Et alors les clients, j'ouvrais à 5h30, 6h. J'étais comme ça, boucle d'oreille, tout. C'était nettoyé la veille, mais je fermais à 9h le soir. Parce qu'il fallait nettoyer, comme les gens fumaient, nettoyer les cendriers, nettoyer, javeliser les tables. Enfin, chez moi, c'était comme ça. Quand ils rentraient le matin de bonne heure, ça sentait bon. C'était joli l'extérieur chez moi. J'ai entendu de vous dire que la Suzette, elle s'appelle ma sœur, c'était fait tous les 8 jours, ces grandes baies. Et puis, alors elle faisait les vitres, elle faisait les vitres. Il y a une dame qui disait, mais tu fais les vitres, tu vas user les vitres de ta sœur. Elle est tous les 8 jours, c'était net, net, net. Hein. Alors voilà où étaient les jeux. Voilà, mon bar était là. Il n'y avait pas assez de sièges, évidemment. Ça, c'était la façade. Voilà comment c'était, la façade. Elle n'est pas comme ça maintenant. Elle est toute... Il y a de l'herbe qui rentre dans des... Dans les fenêtres ? Dans les portes ! Oh là là là ! Enfin, bref. Alors là, c'était... Il y a une grande pièce où vous pourrez faire quelque chose et c'est là où l'herbe pousse. Et puis, il n'y a plus de rideaux, il y a des cartons qui se décollent. Oh là là, quand je vois ça ! Chez Colette, le temps semble arrêté. Oui, alors, comment vas-tu ? Avec notre tasse de café, non. On a une sucrète et un spéculoos. Tu sais pas qui c'est qui t'a appelé ? Et puis qu'elle peut pas t'avoir, c'est Madame Lagarde. Sur les tables, il y a des cadres photos et dessous, des napperons à carreaux. Au-dessus de nous, il y a un panneau avec écrit « Crois en toi » et tout sera réalisé. On se sent un peu comme au bar. Mais elle est où, Colette ? Colette ? Colette ? Elle est allée chercher l'addition ou quoi ? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dit. Bah alors. Chaud. Voyons. Colette, qu'est-ce que tu fous là, parler. De 2h à 4h, il y avait la dame qui venait boire ou le monsieur qui venait comme ça. Mais c'était un peu calme. Alors ça reprenait après à 6h. Mais le matin, c'était pas. Ça dépendait des jours. Vous voyez, le samedi, je travaillais bien, le dimanche aussi. Alors, je fermais le mardi matin pour aller à la banque, parce qu'à ce moment-là, il fallait apporter l'argent à la banque. Mais je rouvrais à 5 heures. Si j'arrivais à 5 heures et quart, je dis, mais qu'est-ce que ça fait ? Ils étaient à m'attendre. C'est incroyable. Si t'as habitué, il ne fallait pas que je m'en aille. Hein. Le matin... Il y avait, l'école était en face, maintenant c'est la sortie. J'avais beaucoup de femmes, 6-7 femmes-là. Alors chacune payait leur café. Après, je dis, vous venez, c'est moi qui paye. Il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes qui payent. C'est moi qui payais. Mais alors, on a rigolé parce qu'il y a des gens qui venaient pour ces dames. Elles étaient belles, c'était des grandes comme vous, blondes. Alors moi, à côté, je pensais à côté, j'ai dit, poussez-vous parce qu'on ne va pas me voir pour que j'aille porter... Et alors, 2-3 fois par semaine, il y avait des chasseurs de Charente-Maritime qui venaient, qui s'arrêtaient. Alors, quand je voyais le camion avec les 15 chiens arriver, les voilà. J'avais commencé à préparer les cafés, vous voyez. Ah, t'as déjà servi les cafés ? Je savais. Comme ça, ils avaient le temps d'en boire un autre. C'est ça, le commerce, hein. Allez, tu nous remets ça. Mais à ce moment-là, ils buvaient du cognac, là, maintenant... Puis ils sont morts, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont pris 20 ans de plus, qui ne chassent plus. C'est plus comme... J'ai passé une très bonne période. J'ai beaucoup travaillé, mais je me suis amusée. Parce que j'aimais ça, moi. Figurez-vous, je ne sais pas si je dois le raconter, il y a 4 personnes qui sont rentrées et une femme. Elle rentre dans le bar, j'ai eu un flash, j'ai eu des flashs par moment, je vous dirai. Et alors, ils se mettent autour du bar, ils commandent. J'ai dit, avant de commander, je vais vous dire ce qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez fait. À vous aussi. Et toi, tu les laisses. Alors, ils disaient, mais t'es une sorcière, toi, parce que c'était vrai. Mais après, ça a été fini. Ils ont bu, ils sont partis, hein. Ils m'ont payé, ils sont partis. Ça c'est ce défilé chez moi, j'ai voyé, mais je me dis, qu'est-ce qui t'arrive, Colette, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que par moments, j'ai des dents de voyance. Je ne sais pas pourquoi. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais quand j'étais au bar, c'était comme ça. C'est pourquoi j'ai jamais eu de problème. Hein. C'était arrêté avant. Vous voyez ? C'est violent, ça m'étonne, parce qu'il y a des fois, c'est vision, c'est cette vision qui... Puis après, je dis, mais mon Dieu, il faut arrête. Mais c'est indépendant de moi. J'ai des moments où ça veut jouer, et d'autres moments, c'est pas la peine. Quand ma nièce me dit, tu me tires des cartes, je dis non, je sens pas. Mais moi, figurez-vous, c'est avec des cartes à jouer que je fais ça. J'ai des tarots, je sais pas m'en servir. Ben moi, je mets les cartes, je dis, mettez-moi 14, vous dites, vous êtes en dessous. Alors là, quelle faut que je dise ça? Alors, je compte ça. Oh! Qu'est-ce que ça fait, là? T'as eu un entretien avec ton patron? Oui, pourquoi? Ben écoute, puis tu vas pas manquer d'argent. T'as eu un truc, voilà. Mm. C'est mon truc à moi, hein. C'est pas comme ça que ça se fait, hein. Alors, je n'ai jamais touché un jeu de cartes que pour tirer. Je ne connais pas. Papa, le pauvre, il allait jouer chez son collègue, à la belote. Chez nous, jamais on a eu de joueurs de belote. Ils allaient chez mon collègue jouer à la belote. Je ne connais pas les cartes, moi. Il dit, vous savez jouer à la belote? Ah ben, je dis, non, je ne connais pas les cartes. C'est bizarre, hein, d'une femme de bar qui ne sait pas jouer à rien. Mais enfin, c'est mon cas. Vous avez rencontré Colette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui la connaît, qui l'a déjà vue, qui a parlé avec elle, Dominique? Est-ce que je peux te donner un micro pour nous le raconter? Oui, mais oui, parce que elle était super. Elle a dépanné pas mal de gens. Et avec nous, elle était super sympa. T'allais prendre du café, t'en buvais deux, t'en remettais un. Elle n'était pas mesquine. Tous les gens du village l'aimaient, Colette. C'était un cas. Elle avait son piège quand elle n'aimait pas les gens, tu le savais. Hein. Est-ce que tu pourrais nous la décrire physiquement? Elle est petite. Mais je l'ai connue, elle avait 60 ans, tu vois, un peu plus. Donc déjà, elle était belle. Hein. Moi, je la trouvais belle parce qu'elle avait tout un passé, tout un vécu. Mais elle était son bar est un bar qui existe toujours, enfin qui va réouvrir en principe. Hein. Le maire a dit qu'ils ont une licence. Ils attendent, ils ont fait des propositions pour racheter le local. Mais pour l'instant, ça c'est pas. Rien se passe. Mais le maire veut réouvrir un bar. Hein. Mais Colette, elle avait sa sœur qui habite là, qui habite juste à côté du bar, Suzette. Qui était une qui était rue de la Cloche Verte et qui tenait un magasin de mercerie. Et elle faisait des vêtements magnifiques. Et avait, toutes les semaines, elle venait voir sa sœur, elle nettoyait les carreaux, ça c'est vrai. Et c'est vrai, le bar était très bien tenu. Les gens, ça travaillait bien, mais ça remonte à 20 ans. Donc c'est vrai, on l'a connu, mais elle vient toujours à voir sa sœur. Ben vous l'avez interviewée, donc elle vous a raconté. C'était une belle personne. Je trouve qu'elle est encore belle. Elle a une sœur jumelle. Oui, on ne l'a pas rencontrée, sa sœur jumelle. Alors, c'est un peu difficile d'aller. Moi, je les comprends tout le temps. quand on les voit ensemble, on reconnaît Colette, toi, mais quand tu vas faire un tour à Carrefour, c'est la jumelle. Colette, ah non. Tu vois, mais elles sont super. Moi, Colette, j'aime bien, c'est une belle personne. Quand je la vois, je lui fais la bise, on se fait la bise. Et en attendant que le cerceau réouvre, où est-ce qu'on va boire des coups du coup? Où est-ce que tu vas boire des coups? Moi, je bouge plus, je reste chez moi, je vais chez Christophe boire mon café, on se retrouve. C'est les fêtes à la maison du coup? Comment? C'est la fête à la maison du coup, si c'est plus au café? Moi, je reçois des gens, on mange ensemble. Des copines qui sont là sont venues manger chez moi. Je les ai invités parce que bon, elle dormait dans la caravane, elle savait pas, j'aurais dit venez manger. Voilà, on ouvre notre porte, enfin pas tout le monde, mais il y en a pas mal qui le font. Puis après, il y a aussi le. Je pense que c'est de la timidité si les gens ne se parlent pas. Moi, par contre, je suis tellement bavard que quand j'aborde des gens, je ne sais pas s'il y en a de serre. Moi, je parle avec. Je serais sur une île déserte, je crois que je trouverais quelque chose, un animal avec qui parler. Hein. Moi, je suis grand bavard. Écoute, je parle tout seul. Je prends ma douche, je parle. Je vais au chiottes, excusez-moi, mais je parle. Ouais, tu vois, donc. Je suis pas le messie, donc je vais vers les gens. Merci enfin, beaucoup, Dominique. Ah bah ouais, c'est comme mais ça non, mais faut, c'est toujours chouette c'est aussi. C'est comme ça qu'il faut agir. Hein. Bien sûr. Bon, même si c'est, quand ça les nous, ça fait nos affaires. De parler. Bah, tu sais, il y a un proverbe dans Charente qui dit quand celui qui m'a coupé le lignou l'a gagné ses 100 sous. Tu sais, c'est le petit. On a toujours un petit filament sous la langue. Et puis, à une époque, il y avait des gens qui te coupaient. Donc, on disait qu'il avait gagné. Donc, c'est ça le lignou. Vous avez appris un truc charentais. Voilà. Mais Colette, c'était. Vous avez bien parlé avec elle? Pas mal. Oui. Je sais pas, c'était. Elle a été hyper généreuse. Elle nous a accueillis chez elle. Elle nous a servi le café. Elle nous a gardé longtemps. Elle nous a invités à revenir et elle nous a dit de revenir pour nous tirer les cartes. Ah oui, à l'occasion, là, elle le sentait pas. Elle avait pas. Elle était pas dans l'ambiance. T'as vu comment elle est bavarde, elle aussi? Ah oui. Mais elle en a des choses à raconter. Hein. Si vous y allez plusieurs fois, elle connaît tous les gens, tous les anciens du village. Les jeunes d'aujourd'hui, elle les connaît pas, mais tu vois. Mais elle allait toujours vers les gens. C'est ce qui était bien avec elle. Elle avait besoin de quelque chose, tu lui disais, écoute, moi je fume des cigarettes, elle te les faisait venir, tu vois. La prochaine commande suivante, tu les avais, tu vois, tu lui disais, bon, ça c'est bien, tu vois, tu vas Carrefour, tu dis que toutes les semaines tu vas chercher de temps, tu vas et s'il y a, il te les donne, s'il y a, tu vois. Elle, je lui disais, bon, dans le mois je vais te prendre tant de paquets, tu les mettais de côté, même si elle n'en avait plus, mais te les garder. Moi je suis un gros fumeur, alors quand j'ai pas de tabac, je suis pas facile. Vivement que le cerf soit réouvre alors. T'inquiète pas, je fais mes courses, je prends ce qu'il faut pour faire la semaine. Elle nous a ouvert sa porte, Colette. Elle a aussi ouvert d'autres portes dans notre esprit avec ses histoires un peu mystiques. Ça nous a donné envie de jouer avec, comme elle le fait elle avec ses cartes, des jeux de destin. Donc on va peut-être jouer avec vous. C'est l'heure de jouer avec tes amis. La Caradoc en exploration sonore à Serres et au Grand Jeu. J'ai appris à jouer au Yams pendant ces 3 semaines à la Caradoc. Et j'ai aussi appris des choses un peu bizarres avec collègues. Je sais pas si vous connaissez le Yiking, nous on a inventé le Yams King. C'est un jeu de dés auquel on pose une question. Et le Yams King répond, une question sur le destin. J'arrête pas de faire tomber ses dés. Le Yams King vous répondra. C'est un petit mélange de notre composition. Est-ce que quelqu'un a une question cruciale pour l'avenir à poser au Yams King et veut venir jouer avec moi et 5D? Un peu difficile. Hein. Les questions aussi un peu simples, hein, ça marche. On a toutes des doutes. Cette musique, ça vous donne pas envie de vous poser des questions? Ça peut être une question pour demain, hein. L'avenir c'est pas forcément très très loin. Ouh là là. C'est un peu dur la demi. On est un peu fâché avec la météo à la Caradoc, donc j'ai du mal à y répondre. Cette musique va continuer encore un petit peu. Sentez-vous à l'aise. Tu veux venir t'asseoir, Eric, pour répondre à cette question? Non, non, non, je pense qu'une question sur la fête, c'est très à propos. Oh, oh grand Yam King. Je me demandais si ce soir on resterait faire la fête dans ce beau village de Serres. Eric, t'as envie de faire la fête à Serres? C'est une question sérieuse et pragmatique en même temps. Voilà. Il faut une réponse concrète. Mais c'est aussi une question qui doit montrer, nous ouvrir sur quelque chose de plus large un peu que tu te demandes. T'as envie de faire la fête, il y a besoin de décompression, c'est le confinement. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça à la rentrée qui nous dit voilà, qu'on a envie de se retrouver tous ensemble. Donc tu te demandes si on va pouvoir se retrouver tous ensemble ce soir. Voilà, passer des bons moments, danser peut-être, ça fait longtemps. Le Yams King, c'est en trois mains, comme le Yams. Mm-hmm. Donc tu vas jeter les dés une première fois, on va essayer de lire ce que le Yams King nous dit. On va le lire ensemble, hein. Je n'ai pas toutes les réponses. Alors, on a un 6, 2, 2 et un 4 cassé. Ouh, le 4 cassé. Ça sent le pied de lit ce soir. Écoute, je pense qu'il y a... Ça veut pas rien dire de y avoir quelque chose d'un petit peu brisé, d'un petit peu douloureux dans tes questions s'il y a un dé cassé. On a une paire de 4 et une paire de 2. C'est que des chiffres pairs, Eric. C'est que des chiffres de gens qui vont ensemble. Moi, je trouve que c'est assez engageant pour une première main. Tu vois, un truc impair, je me serais dit, il y a peut-être des chances qu'on reste sur la touche, il y a peut-être des chances que ça se passe pas. C'est pas très collectif, le chiffre impair. Tu peux relancer tes deux paires, du coup. Allez. C'est parce que je t'ai dit que c'était bien de faire des chiffres pairs que tu nous sers cette main. Ah là là là là. 2, 3, Eric. Comment tu m'expliques ça? Ah là là. Est-ce qu'on va faire non pas un doublé ce soir, mais un triplé? Pour rester positif. C'est quoi un triplé? Je sais pas. Comme une fête qui dure 2 jours, tu vois, un doublé? Un triplé ce soir? Dans une seule nuit? Ce que je vois aussi, c'est que t'as fait un double 3, mais t'as quand même fait un 4, 5, 6 derrière. Ah. Ce qui me donne l'impression d'une suite. Ce qui me fait penser que tu veux aller vers la vie, vers la continuité de la fête. C'est vrai. Tu vas relancer ta suite. Allez. Tu fais un très beau bruit de dés. Eh ben, on n'a plus que des chiffres impairs. Tu fais tout ce qu'on dit qu'il faut pas faire. Ben oui, ben, c'est pas de ma faute, c'est le destin, c'est le dieu des dés. Je ne sais pas. La somme de tous ces dés, ça fait 18-19. Je suis sûre que c'est exactement le nombre de personnes qui se trouvent ici. Mais c'est ça. C'est ça. Ça veut peut-être dire qu'on va pouvoir faire la fête tous ensemble. Le 19, c'est aussi un chiffre du Yiking, parce qu'à la fin, normalement, dans ce genre de pratique un petit peu bizarre, on arrive à un numéro qui t'indique une phrase de ce plus ancien livre de la Chine. Et le 19... Qu'est-ce que c'est le 19? Le 19, c'est la paix, Eric. Bravo. Et je vais te dire la phrase qui correspond et tu vas voir ce que tu fais avec. Hein, parce que souvent, c'est des phrases un petit peu bizarres. Supporte avec douceur les rustres. Traverse résolument le fleuve. Ne néglige pas ce qui est au loin. Ainsi, tu parviendras à marcher au milieu. Est-ce que ça t'en dit plus sur comment va se passer la soirée ce soir? Faut que je fasse attention à pas trop boire, sinon je vais vomir. Voilà. Et marcher droit. Alerte, alerte, repérez la partie de cache-cache immédiatement. Alerte, alerte, resume the game of hide and seek immediately. La voix du jeu, on a marre de ce truc mystique un peu bizarre. Alerte, alerte, repérez la partie de cache-cache immédiatement. C'est un petit peu violent. Alert, alert, resume the game of hide and seek immediately. Alert, alert, reprenez la partie de cache-cache immédiatement. Mais attends, là, je comprends pas, ça fait combien de temps qu'on joue, mais... Qu'est-ce qu'on fout, là? Et faut qu'on se speed, là, faut qu'on accélère un peu le pas, là. Toc, toc, toc. Bam, bam, bam. On toque à des portes. À d'autres portes. Mais personne répond. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Derrière une fenêtre, on entend du bruit. On passe une tête. Marion, avec beaucoup de candidats à l'échappée aujourd'hui. On trouve un monsieur caché devant sa télé. Ouais. Ça va bien? Ça va. Je suis attendu à la Tour de France. Là, je suis bloqué devant. Et ça sert bien ça parce que j'ai des trucs à faire. Non, je pense. J'ai des trucs à Le pauvre, il a pas l'air de pouvoir décrocher. Non, il y a ma femme, il est plus grand parce que je viens de voir. Il regarde le Tour de France toute la journée. Oui, moi, ça finit, ça, parce que c'est vrai que je suis un peu. C'est un peu pénible. Bah oui. Parce que je ne peux pas m'en empêcher de regarder. Même un seul collier tête de montagne. J'essaie de lui poser des questions. Après, c'est du plat jusqu'à Paris, j'ai rien à faire. De toute façon, samedi et dimanche, je suis pas là. Il me parle que du Tour de France, puis j'entends rien, il y a la télé derrière. Bon, Roland-Garros qui démarre au lieu de... Bon, je pense qu'on va partir d'ici. J'avoue que... Bon, c'est vrai que nous aussi, on pédale un peu dans la semoule. On tourne un peu en rond. Puis on se perd un peu dans nos pensées. On ne trouve personne. Mais en fait, est-ce qu'on serait pas un peu trop grande pour jouer? C'est tranquille pour les Jumbo Visma, c'est tranquille pour tout le monde. On continue. On essaye de pêcher des infos à droite à gauche. On passe devant Patrick. Il range ses lignes. Il nous sourit. Hier, il a passé la journée tranquille à l'étang. On voit Alexis au loin. Elle est sur sa trottinette. Salut Alexis. On continue la route. Et là, paf! Je m'arrête net. Vous voulez border la voiture quand même? Non, mais attends. Raccourcir pas mal? Non, mais qu'est-ce que je vois derrière la vitrine? Vous voulez avoir un style carré? Hein? Bah, je pense que dégradé, c'est peut-être mieux. Ouais, ça fait plus. Non, sympa, mais attends, mais j'hallucine. Ouais. Ça fait. Parce que carré, c'est plus facile quand même. Il y a Anna. Ouais, bien garder la longueur, mais bien les dégrader, que ça fasse. Il y a Anna, tourage. Tranquille. Ouais. Hein, voilà. En train de se faire coiffer, quoi. La meuf change de tête pour pas qu'on la reconnaisse. Léon vous a parlé de moi, Léon. Ah, c'est mon petit copain, Léon. Je fonce sous ses beaux yeux. Il est adorable comme garçon. Et sa papote. Vous avez vraiment une coupe au bol? Non. Ah ouais? Non, c'est fini, ça, la coupe au bol. Non, je lui laisse de la longueur, je coupe un peu derrière, mais c'est pas la coupe au bol. Moi aussi, je me suis fait bien les couper. Hein. Je les accroche un peu, je fais. Ouais. Vous faites des soins, des fois? Pas beaucoup. Voilà. Quelle négligence, les filles. Là, on pose une petite crème. On va laisser poser, que ça va lui faire du bien sur les longueurs. Bah oui, bah bien sûr. Moi, j'en ai pas eu de crème. Oh ben, ils sont déjà mous, les vôtres. Si je vous aurais mis une crème, ma peau, ça faisait l'omelette. Et alors? Un œuf sur le plat. Et alors? Ouais, après, vous, la fois d'après, vous allez me dire, oui, Cathy, ton brushing, il n'a pas tenu. Alors, je vous mets déjà une mousse pour le faire tenir. J'enverrai mon mari, plutôt. Pour faire quoi? Pour t'engueuler. Bon, fou. Vous pouvez l'envoyer, il m'engueulera pas, de toute façon. Elle est venue à 8h30, là. À 8h, elle était là, la dame. Bon, ça se voit que je l'ai coiffée, parce que vous l'aurez vu en rentrant, c'était pas comme ça. Hein. C'était comment? Et encore, tout blanc. Et tout encore, blanc, tout échevelé, les cheveux encore, tout grisonnant. Pas la dernière fois. Comment? Oh, la dernière fois, c'était pire, parce que comme on a eu le confinement, j'ai fermé 2 mois à cause du confinement. Mais il y avait beaucoup de boulot à faire. Non, mais c'est vrai. Mais comme les cheveux là, c'est vrai. Mais comme toutes les personnes qui sont pas venues pendant 2 mois, quoi. C'était catastrophique. Oh, là, j'avais les cheveux là. Ouais. Votre mari est arrivé, ma chère madame. Bon, mais on peut pas se faire la bise. Allez. À la prochaine. Oui, monsieur. Bon courage. Plein de bonnes choses. On va essayer. Mais il n'y a pas de raison. Et ben oui, et puis il y en a qui s'étaient mis des coups de tondeuse. C'était. Oh, mais moi, je me marre quand c'est comme ça. Moi, je suis contente. Parce que je me dis au moins je serai à quelque chose. C'est vrai. Mais bon, tout aussi. Au revoir madame, bonne journée à vous, merci. Allez, c'est parti. Puis après je reviens prendre arrière. Hein. J'ai plus de colle. Hein. C'est Léon qui nous a dit d'aller voir Cathy, qui est du coup la coiffeuse du village. Bon. Léon il est pas là ce soir, il se fait couper les cheveux là-bas, comme ses parents, comme ses grands-parents. Il y en a peut-être. Il est là? Il est là Léon. Ils sont pas tu veux pas jouer avec moi plutôt? Tu veux pas montrer ta coupe-balle? Bon bah tant pis. Bah il est là Léon, c'était lui. Et bah tant pis. Il y a quelqu'un d'autre qui se fait couper les cheveux par Cathy? Non. Elle dit que les jeunes vont plutôt en ville. Bon, bah, y a Cléon et c'est dommage. Piel, tu te fais pas couper les cheveux par Cathy non plus ? Oh là là, tant pis. Tu sais couper les cheveux par qui ? Pratique. On pourrait aller faire un petit tour en forêt. Oui, allô ? Oui. Oui, c'est... Allô ? C'est la Caradoc. La Caradoc en exploration sonore. Yams, d'un coup. Sous un arbre, je m'assois avec les filles. Là, franchement, j'en ai marre. Enfin, je suis à court d'idées. Les filles, là, faut la jouer carte sur table. Faut que vous me dites où sont vos cachettes secrètes, là. En plus, il y a des marrons qui nous tombent dessus. Moi, j'en ai marre de cette partie de cache-cache. On va jamais trouver Joanne. Bon. On va voir le plan. Alors, les roches, la trappe, la brousse. Ah, mais oui, bien sûr. Joanne, elle adore les cabanes. Elle a dû aller se planquer en forêt. J'aurais... Sans connaître l'endroit, j'aurais dessiné mon endroit idéal. Ça aurait pu ressembler à ça. Tu vois, quand j'ai visité les premières fois où j'ai visité ici, je me projetais direct dans le futur. Le terrain qu'il y a là, les sources, le ruisseau, les carrières, les bois, les prés, enfin, on n'avait rien vu de tel. On va dire, bon, les bâtiments. Ils sont pas mal, mais c'est pas ce qui m'a séduit, surtout, c'est le terrain. Pourquoi on est parti de Paris ? Ben, moi, j'avais déjà 47 ans, et j'en avais marre de Paris. Je suis né à Paris, toute ma famille est née à Paris, tu vois, j'ai vécu essentiellement à Paris, mais je savais que c'était la campagne qui me fallait. C'est ce qui m'a attiré ici, je me suis dit, ben là... Je vais m'amuser toute ma vie future à faire un tas de trucs. Tu vois, on a aménagé des chemins qui n'existaient pas pour grimper là-haut, le petit escalier là. Et du coup, comment vous vous situez entre Serres et Dignac, vous reconnaissez La commune indépendante de la Brousse ou la, je sais pas, la principauté de la Brousse, comme tu veux. C'est... Ouais, bah oui, puisque eux nous ignorent, donc forcément... On aimerait bien que les villageois viennent, qu'ils participent à ce qu'on propose et tout, mais non, ça marche pas. Le truc politique, c'est d'avoir un lieu ouvert. Parce que je considère que la nature est à tout le monde, donc je n'ai pas créé un parc avec une grille fermée, etc. C'est ouvert en permanence et les gens peuvent se promener comme ils veulent, il n'y a pas de droit d'entrée. Voilà, bon, c'est pas hyper politique, mais en tous les cas, c'est quelque chose de généreux, quoi. Hein. Donc après, nous, on entretient. Voilà. Donc il faut que je bricole un peu, mais il y a tellement de choses à faire ici. Je suis tellement appelé par plein de micro-projets par-ci par-là que plus mes sculptures. Tu traverses la route, là, il y a des carrières en face. Hein. Ah oui. Ouais, et puis tu prends. Pour la route de Serres, le premier chemin, c'est aussi une carrière. Enfin, tu vois, c'est presque banal, quoi. Bon. Ah oui, et par contre, il va falloir de la lumière aussi. Parce que là, on va très vite être dans le noir. Quand je suis arrivé, il y avait 7 ou 8 personnes qui travaillaient ici. Il y avait un engin qui se baladait, il y avait des champignons qui poussaient un peu partout. Et là, si on avance un peu par là, on va peut-être découvrir quelques graffitis. Ah, Alors, il y a évidemment... Voilà, c'est derrière moi. Bon, ce n'est pas les plus intéressants. Oui. Il y a quelques graffitis obscènes, bien sûr, qui sont très drôles. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas. Tu t'es déjà perdu ici? Non. Non, parce que je connais quand même. Non, je... Ouais. Depuis l'entrée, ça va quand même à 160 mètres. Donc c'est quand même pas mal. Non, je crois que ça fait un peu. Bon, tu vois, on voit un petit peu la lumière. Il y a un passage souterrain, un peu plus loin. En hauteur, il y a un passage qui part par là, on va aller le voir. Waouh. On a retrouvé Johan, elle est complètement en train de triper. L'endroit l'a fait planer, elle parle vite. On a du mal à la suivre. En fait, elle s'y croit déjà, elle voudrait habiter là, elle veut habiter dans une cabane, elle veut mener l'enquête pour retrouver des ouvriers dans les carrières, elle veut organiser des grosses fêtes, elle veut manger du pain au levain tous les matins, elle veut apprivoiser les hérissons, elle... Allez, venez! Qu'est-ce que c'est? Allez! Non, il me manque mes trois fox qui veulent pas lâcher les petits. C'est à la brousse, mais dans le marais, ils tournent dans le marais, ils veulent pas ressortir les petits. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez? On prend des petites ambiances de la chasse. Ah ouais. Ben, vous pouvez là, ouais. Alors vous avez trouvé quelque chose? Ben là ça suit là. On essaie d'arrêter, mais c'est pas facile, c'est que des petits. Là c'est des petits cochons, alors ils s'en vont devant les chiens. C'est pour ça que ça s'arrête, ça repère. Ah d'accord. On ne veut pas les tuer non plus. Justin! J'y arriverai pas. Vous n'arrivez pas à récupérer vos chiens? Ah ben non, c'est des tout petits cochons, ils s'en vont dessous, alors tant qu'ils n'ont pas attrapé. Ah oui. Ils vont continuer à chasser. Les chiens cherchent les. C'est des petits sangliers? Ah non, mais c'est qu'ils les suivent là. D'accord. C'est des tout petits, alors ils s'en vont pas, ils tournent. D'accord. Là, je ne peux pas y aller, c'est tellement sale, je ne peux pas rentrer. Ils vont pas loin là. Ils vont sauter la route, hein, ils vont revenir ici parce que la mer doit être là. On ne veut pas tuer la mer non plus. Les deux là qui arrivent. Allez! Moi qui ai des soucis. Là, c'est pas très bon là. Hein. C'est pas bon là. Mais non, c'est des tout petits, ils sont grands comme ça. Oui. Et là, les fox sont dessus là et ils veulent essayer de le choper quoi. Eh ouais. Vous avez eu un sanglier ce matin ou... Non, il n'y en a eu aucun tiré. On peut pas tirer ça. Hein. Bien sûr, oui. Bah oui. C'est trop petit. Ah, ça y est. Oui, il en tient un, mais il ne tient pas les deux autres. Ah si, ils sont là. Ah si. Vous êtes pas un peu con, non, ce matin? Hein? Le petit, là, il est terrible. Là, celui-là. Ah. Là. Il a un an, hein? Non! Non! Paul? Il s'appelle comment les trois? Paul, Justin, Jackson. Ah. Bon, tu sais quoi, hein? Oh merde! Bah non, il n'y a qu'un chien, il n'y a que Goupil. C'est que Goupil, ça va pas aller bien. Il y en a deux, hein? Non, Noisette est en bas. Il y a deux chiens? Il y a deux chiens, oui. Enfin, c'est que Noisette a rallié, là. Oui, mais... Ben oui. Il y a un gros qui était entre là et moi tout à l'heure, quand les petits partent. Les petits partent à ma droite. Là, il y avait un gros qui était entre nous deux, il n'a pas bougé. Les chiens sont... en 4-4. Ils sont tous partis, les chiens, sur les petits. Mais il y a quelque chose qui est resté le long de la route, là, juste après le panneau, là. C'est un petit qui dit Thierry. Qui c'est qui l'a tiré? Thierry qui en a tiré un. Vous êtes combien à chasser aujourd'hui du coup? Pas grand monde, on est combien? 11? Vous êtes 11 tireurs ce matin? Peut-être? Et nous on est deux traqueurs? On doit être 13 ce matin. Ah d'accord, vous n'avez pas tous les mêmes missions? Non. Il y a des traqueurs et des tireurs. Non, voilà. Ok, je savais pas du tout. Il y a des gens qui sont avec les chiens. Vous savez, la chasse, c'est pas, ça réussit pas à tous les coups, puis heureusement. C'est pour ça que j'entends des fois les ceux qui sont contre la chasse, mais bon, il faudrait qu'ils viennent un petit peu voir comment ça se passe. Hein. Parce que notre rôle aussi de chasseur, c'est pas forcément de tuer, de faire de la viande, non, c'est pas ça, c'est réguler la nature aussi. Quand il y a trop, par exemple, de sangliers, de chevreuils Chevreuils ne nous embêtent pas trop, c'est le sanglier. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si on chasse, c'est qu'on a des... Il y a des agriculteurs. C'est grâce à eux qu'on peut chasser. Et c'est eux aussi qui nourrissent le gibier, il faut le reconnaître. Donc après, quand ils ont... Qu'est-ce qu'il y a, toi, encore? T'es pas content? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est toujours le même. C'est haut, dedans, là. Oui, mais qu'est-ce qu'il a je dit? Je sais pas, une connerie, encore. Ah, ouais. Oh, il est chiant. Donc notre rôle, bien, c'est de réguler cette nature, parce que l'agriculteur qui sème son maïs, qu'il voit dégradé par les sangliers, c'est pas agréable, quoi. On n'a pas dit trop de gros mots? Pas parfait. On a tout enregistré. C'est le rap du chasseur. On a un petit moment de musique après cette rencontre complètement impromptue sur le bord de la route avec des chasseurs. On se disait que vous pouviez, si vous avez envie, boire un petit coup. On a encore deux personnes à vous présenter. Mais ça fait un petit moment qu'on est là, du coup, si on peut faire une petite interlude musicale, c'est possible. Je voudrais juste dire que c'est pas monté, on a juste posé l'ambiance dessus. Maintenant qu'on est toutes les quatre, le cache-cache est enfin fini. On décide de rentrer à la Caradoc. La route est un peu longue jusqu'au village. Il fait chaud, il est 18h et on commence à se mettre en marche. On fait halte chez Madame Guénin, la centenaire du village. Elle n'a jamais quitté Serre. Jeanne, elle, trace son chemin. Par la fenêtre, on la voit s'éloigner. Et sur le chemin du moulin à vent, elle croise quelqu'un. C'est Mathieu. Lui aussi. Ça ne l'amuse plus trop de se cacher. En ce moment, ça va... Ça va pas fort? Non, moi, non. Bah, si tu veux, on joue aux cartes. Ouais, je veux bien, ça et me puis, détend. Ouais. Et puis, on, si on a envie de discuter, on discute. Et puis... Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux cartes avec quelqu'un. Ouais. T'habites tout seul? Ouais, avec mon papa. Avec ton papa? Ouais. On va regarder l'heure qu'il est. Il est 4h05. Dame de carreau, tu peux mettre deux cartes. Faut jouer ouais. Au-dessus. Ouais. Ah. Tu dois mettre deux cartes. Ouais, deux cartes. Ouais. Ah. 10. Non, j'ai encore gagné. C'est moi qui dois poser trois cartes. Ouais, c'est bon. Tu remportes. Vague. Est-ce que tu as un souvenir avec le mot vague? Les dunes, les plages, l'adolescence. Voilà. Adolescent, tu partais en vacances? En vacances. À la plage, à l'île de Ré? Voilà. Adolescent. Tu te souviens un peu de l'ambiance? Ah oui, je me souviens. Ouais. Je me souviens. C'était bien? Ouais, c'était pas mal. Une nouvelle ambiance. Hein. Une nouvelle ambiance. Tu partais avec... avec mes parents. Avec tes parents. Ah, bah oui, je partais avec mes parents. Mais j'oublie. Je partais avec mes parents, mon frère. On est en caravane. Après, moi, j'étais après en toile de tente. Et puis voilà. Tu te souviens d'avoir joué dans les vagues? Ah oui, oui. Surtout en fin de journée. Quand la mer remontait. Un blaireau. Ouais, c'est... Un marmot. Ouais. Un vélo. Un artichaut. Un pédalo. Un matelot. Un tuyau. Ça s'arrête jamais. Alors, une carte. Et ben c'est toi qui remporte. Ok, bah cool, on peut dire, que, je peux dire qu'on a fini, je pense que t'as gagné vu que t'as beaucoup plus de cartes que moi. Mais j'ai passé un bon moment. Hein. Cool, bah après il y a d'autres jeux. Enfin réunis à la Caradoc, on se regarde, prête à chauffer le dance floor pour la nuit. Mais attendez, ça me revient quand on marchait dans la rue, juste attendez encore quelques minutes, faut juste que j'aille chercher quelqu'un les filles, je vous promets, j'en ai pas pour longtemps. Moi, c'est moi qui vais me faire chaud. Lui, il est déjà, alors. À l'intérieur de la maison au store blanc et bleu, ça s'active au fourneau. Ici, on aime la cuisine. Je peux pas expliquer. J'aime tout. J'en aime plein, j'adore... Mais pas que. J'adore Brel. J'adore... Brassens, putain, Brassens, c'est un sacré poète, celui-là. J'adore. Edith Piaf, ouais, j'adore la môme Piaf. J'en ai pas trois, j'en ai... Alors après, j'aime toutes les années 70, et là, j'en aime beaucoup. Hein. La Lynyrd Skynyrd, j'adore la soul, j'adore la funk, j'adore le rhythm and blues. Je suis capable, quand on parle de musique, d'aller sortir des vinyles comme ça au hasard, et puis on en parle, et puis toi, t'en chercher un vite. Parce que je me rappelle plus, c'est Bouchy qui donne le bassiste, qui a fait un... Non, j'arrive, hein, t'inquiète pas, ça va aller vite. Ah voilà, funk d'Anneli. Tu connais ça? Très bon ça. C'est quoi? Dans le nom, tu regardes. Love is the answer. Van McCoy. Voilà, là t'as des trucs. C'était ça que vous passiez au club? Ouais, des trucs comme ça. Vous pouvez aimer plein de choses, parce que tu vois. Ça c'est super. Il a été pressé où, sûr. On voit pas. Alors, je dois en avoir une dizaine, toi. Ici, c'est chez Doudou et Pierre. Et Jean-Pierre. À l'intérieur de la maison, Doudou arrête pas de me sonner. Il est à l'étage, il cherche des disques, pendant que moi je m'enfonce dans des fauteuils 18e. Parce que Doudou, la déco rococo, c'est aussi sa passion. Doudou, t'es où? J'en peux plus du cache-cache, moi. Je crois que quand tu étais un bon DJ, tu regardes les gens qui sont là, puis tu mets la musique. Tu mets plein de styles différents, puis tu vois comment les gens bougent la tête. Ils sont assis. C'est comme ça que je faisais, moi, quand je faisais des repas. J'avais des repas que je faisais de la musique. Pendant qu'ils mangeaient, alors je prends, je mets les années 60 et comme ça, tu vois. Et je vois, les, là, je dis, ça, ça bouge, donc on pourra en passer. Toi, tu vois, tu fais des carrés, tu comptes un carré, puis après, tu, dans la tête, tu te projettes le nombre de carrés que tu vois. Que tu as. C'est comme ça qu'ils comptent les gens. C'est facile à faire ça. Et puis, le carré qui est le plus important, c'est ce que tu vas passer le plus. Tu vois? Mais tu n'oublies pas de mettre les autres. Hein. Faut pas oublier. Et si tu vois que tu passes un morceau, un ou deux morceaux de 2 minutes, toi, après tu repasses, tu remontes, mais tu t'arranges, tout s'enchaîne, toi. Arrivé, moi je dis arrivé au dessert, j'envoie le son. Tu vois? Je vais mettre Temptation, tu vois, un petit morceau de 12 minutes. T'as plein de gens qui le connaissent, tac, c'est bien soul, c'est à 99, 100 ppm, c'est cool, tu vois. Mais ça groove, ça donne bien envie de danser, tu vois. Et après, tu repars sur des sons comme ça. Petit moment, puis après, tu pompes bien, et là, tu mets un truc bien connu, tu vois, qui marche bien, bam! Et là, tu vas. Tandis que si tu passes que ce que tu aimes, tu vas avoir 30% qui vont aimer, qui vont être constamment sur la piste, et tu as les autres qui s'emmerdent. Moi, je suis plus chill out, tu vois, de la descente. T'as la grosse soirée, puis après, t'as plusieurs scènes. Et là, t'as une scène où tu descends, là, et on te passe de la soul, de toutes sortes, du reggaeton, de tout. Tu te reposes, tu vois, j'aime bien ça. Doudou hoche la tête en même temps qu'il me raconte ses aventures. Derrière chaque bibelot, je découvre un bout de sa vie. Doudou, il aime la fête comme c'est pas permis. Avec Jean-Pierre, ils ont ouvert des restaurants. Ça, c'est un de mes fantasmes que j'ai réalisé. Alors au départ j'ai fait un pub. J'avais isolé ça, tout était en petit feu. On était sur 3 communes de Moulin de Bayard. Ici, Boué et Gara. Voilà. Donc on était sur trois communes. Alors le maire de Boué ne voulait pas, mais les gendarmes et les pompiers ont dit oui. Donc ils étaient très bien avec le préfet. Donc j'ai eu des autorisations de lui. Je travaillais à la boîte, au restaurant, je faisais la cuisine. Quand j'avais fini la cuisine, j'allais à la boîte. Tu vois les horaires, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais c'était sympa. Hey mama, is it true what you say that papa never worked a day? Ça s'appelait le White Not. Le why not? Ouais. C'était le pourquoi pas, mais... Ouais, il y a eu ça, et puis après, il y a eu la... Comment dire, la rue noire. Black Street? Ouais, voilà, Black Street. Et c'était que reggae. Mais une autre discothèque? Et ouais, la même, que j'ai changé de nom. Je me suis bien amusé. Il y avait eu des très grosses soirées et des trucs super intéressants. Et surtout avec le reggae. C'est incroyable comme ça mobilise les gens. Parce qu'aujourd'hui, dans la musique, tu as des tribus. Tu as la tribu minimale, la tribu hardcore. Après, tu as les rockers, tu as les reggae-man. Alors voilà, donc ouais, la musique rassemble. Franchement. Et le matin, j'allais leur chercher des croissants à la fin, avant qu'ils partent, parce qu'ils avaient bu. Donc on descendait la musique pendant un quart d'heure, on descendait la musique. C'était très cool, pas des slows, c'était de la soul, parce que si tu mets des slows, ça... Donc tranquillement, et après on montait la lumière tout doucement, pas un blanc tout de suite, tu vois. On montait, et la musique c'était se baisser, puis à un moment donné, bonne nuit les petits. Merci Doudou. C'est sur un titre. C'est sur un titre de ta discothèque qu'on se quitte, Doudou. Merci beaucoup. Je crois que. Merci à tous et toutes d'avoir passé cette soirée avec nous et d'avoir écouté les Serçois. Je sais pas si ça vous a donné un peu envie de passer du temps ici. Il y avait de quoi faire et il y a toujours de quoi. Oh, petite remontée. Il y a toujours de quoi passer du bon temps à Serres. En tout cas, nous on a été super bien accueillis ici avec la Caradoc et par tous les villageois. On va se quitter en musique. C'est ça, la buvette, c'est derrière. Eric, est-ce qu'on va faire la fête ce soir? Ça aura au moins servi.